Deuxième partie, Chantal, la secrétaire particulière de Guy. Ah, Chantal. Où diable avez-vous mis la clé de mon classeur? Attendez, je ne suis pas encore arrivée. Donnez-moi le temps d'enlever mon manteau. Je l'ai cherchée partout, cette clé. Mais elle n'est pas ici. J'espère que vous ne l'avez pas perdue. Pas du tout. Elle est avec toutes les clés de l'agence, dans la boîte à pansements. Dans la boîte à pharmacie? Oui, mais la boîte à pansements, c'est une bonne cachette pour la clé du classeur. Enfin, alors, la boîte est dans le tiroir de votre bureau. Lequel? Celui du bas ou celui du haut? Le dernier tiroir, c'est celui du bas. La boîte n'y est pas. Si, si, elle y est. Je ne la vois pas. Naturellement, elle doit être cachée sous quelque chose.